Au moment où le baron Hulot, heureux comme le marié d'un an qui désire un héritier, sortait de la rue Vanneau, Madame Olivier s'était fait arracher, par Hortense, la lettre qu'elle devait remettre à Monsieur le Comte en main propre. La jeune femme paya cette lettre d'une pièce de 20 francs. Le suicide paye son opium, son pistolet, son charbon. Hortense lut la lettre, elle la relut, elle ne voyait que ce papier blanc bariolé de lignes noires. Il n'y avait que ce papier dans la nature, tout était noir autour d'elle. La lueur de l'incendie qui dévorait l'édifice de son bonheur éclairait le papier, car la nuit la plus profonde régnait autour d'elle. Les cris de son petit Venceslas qui jouait parvenaient à son oreille comme s'il eût été dans le fond d'un vallon et qu'elle eût été sur un sommet. Outragée à 24 ans, dans tout l'éclat de la beauté, parée d'un amour pur et dévoué, c'était non pas un coup de poignard, mais la mort. La première attaque avait été purement nerveuse, le corps s'était tordu sous l'étreinte de la jalousie, mais la certitude attaqua l'âme, le corps fut anéanti. Hortense demeura pendant 10 minutes environ sous cette oppression. Le fantôme de sa mère lui apparut et lui fit une révélation. Elle devint calme et froide, elle recouvra sa raison. Elle sonna. « Que Louise, ma chère, dit-elle à la cuisinière, vous aide. Vous allez faire, le plus tôt possible, des paquets de tout ce qui est à moi ici, et de tout ce qui regarde mon fils. Je vous donne 1 heure. Quand tout sera prêt, allez chercher sur la place une voiture et prévenez-moi. Pas d'observation. Je quitte la maison et j'emmène Louise. Vous resterez, vous, avec monsieur. Ayez bien soin de lui. »